Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 2 janvier 2018. On est déjà là. Les grands titres de ce journal. Le porte-parole de la police déclare que la sécurité du député Agathon Louassa est assurée comme les celles de la population en général. Pierre Mouriquier dit que la police n'est pas au courant des menaces dont ce premier vice-président de l'Assemblée nationale ferait l'objet, même si sa garde lui a été retirée. Et le porte-parole du ministère de l'Intérieur de conseiller à tous les politiciens d'être courtois dans ce qu'ils disent. Et c'est une réaction à la récente déclaration du président du parti FNL qui a affirmé qu'Agathon Rouassa prépare sa fuite du pays. Et les habitants du village de Pedonia-Kiga, en commune Outagansba de la province Ruyigi, demandent qu'il y ait une nouvelle occasion de faire des dépositions devant la commission Vérité et Réconciliation. Ils expliquent que certains d'entre eux n'ont pas su le rendez-vous lors du passage des agents de la CVR. C'était en octobre 2017. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Et des mineurs sont utilisés dans le commerce ambulant au chef-lieu de la province Gitega. Ces enfants affirment qu'ils ne sont pas rémunérés en argent, mais reçoivent de la nourriture de la part de leurs employeurs. C'est de l'exploitation des enfants, s'indignent les défenseurs des droits des enfants ainsi que les parents sur place. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, les habitants du village de Pedonia-Kiga, en commune Outagansba de la province Ruyigi, demandent qu'il y ait une nouvelle occasion de faire des dépositions devant la commission Vérité et Réconciliation. Ils expliquent que certains d'entre eux n'ont pas eu l'occasion de faire leur déposition lors du passage des agents de la commission Vérité et Réconciliation. C'était en octobre 2017. Les agents de cette commission reconnaissent les faits et précisent que l'affluence des déposants était faible, surtout au début. Jean-Claude Chimirimana. Nous sommes au village de Pedonia-Kiga, en zone Moriza, commune Butaganzwa de la province Ruyigi. Jean Bigirimana, rencontré sur place aux 10 villages, dit que les membres de la commission Vérité et Réconciliation ont effectué un déplacement jusqu'à ce village et que ceux qui l'ont su ont pu leur dire ce qui leur tenait à cœur. Ils sont venus ici la première fois et à la commune la deuxième fois. C'est à la commune que chacun a pu exprimer ce qui lui tient à cœur. Plus d'un ont dit qu'ils n'ont pas su cela, donc certains sont allés à la commune et d'autres non. Il serait bon de nous informer à l'avance et nous accorder une journée pour que chacun puisse exprimer ce qui lui tient à cœur. Pendo Nimenya, résident à ce village depuis son rapatriement de la Tanzanie où elle est grandie, fait savoir qu'elle a fait une déposition à la commission Vérité et Réconciliation. Ils nous ont dit leur mission en précisant qu'ils veulent que chacun exprime ce qui lui tient à cœur au sujet de la guerre civile et pour qu'il y ait réconciliation. Ils ont même souligné que les victimes de 1972 sont eux aussi concernées. Nous avons donc répondu au rendez-vous et nous avons dit ce que nous avions. Moi, je n'ai pas beaucoup relaté parce que nous ne savions que ce que nos parents nous ont rapporté étant en Tanzanie. Ernest Nheramalira, un des agents de recueillement de déposition affecté en zone Moriza, confirme que certaines personnes ignoraient l'activité de déposition à la CVR. Notre constat est que la participation de la population était faible au début, mais vers la fin, elle a été relevée au point que l'effectif de déposants a augmenté. Nous organisions des descentes sur les collines et parmi la population venue nous accueillir, plus d'un n'était pas informé, mais si les chefs collinaires avaient été sensibilisés, c'était comme ça. Vous saurez que 2223 personnes de la province Ruyigi ont fait des dépositions à la CVR dans un délai de 20 jours consacré à cette activité au mois de novembre dernier. Jean-Claude Nshimirimana, Nyakiga, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Et le porte-parole de la police déclare que la sécurité du premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps président de la coalition Amizero et Abarundi, est assurée comme celle de la population en général. Pierre Mouriquier affirme que la police n'est pas au courant des menaces sécuritaires qui pèseraient sur la personne d'Agathon Rouassa et se refuse d'en dire davantage. Suivez-le. Et la police n'est pas au courant de ce que vous dites et n'a reçu aucune plainte allant dans ce sens. Et donc, nous n'avons pas de réaction à faire. Il y a un politicien du nom de Jacques Bigirimana qui affirme que l'honorable Agathon Rwasa est sur le point de fuir le pays. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler sur ces révélations de ce politicien? On n'est pas au courant de ces révélations. Ni ce politicien, ni le concerné, personne n'a contacté la police pour pouvoir lui parler de cette situation. À vous entendre, vous affirmez que la sécurité de l'honorable Agathon Rwasa est aujourd'hui bien assurée. Nous affirmons que la sécurité de la population et de ses biens est bien assurée et garantie sur tout le territoire de la République du Burundi. Qu'en est-il de ce politicien? S'il fait partie de la population, je pense que vous pouvez vous-même vous répondre. Voilà, c'était Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Rappelons qu'Agathon Rwasa a envoyé le 30 décembre dernier une correspondance au facilitateur Benjamin Mkapa dans laquelle il lui demande d'intervenir pour exiger du gouvernement burundais de cesser les persécutions perpétrées à son encontre. Il a souligné qu'un attentat serait en préparation contre sa personne après la mutation des militaires qui étaient chargés de sa sécurité. Et sur cela, le porte-parole de l'armée a promis de donner des clarifications dans nos éditions ultérieures. Et le ministère de l'Intérieur indique qu'il n'y a aucune raison qui ferait qu'il y ait un homme politique burundais qui fuit le pays. Selon Terence Nairaja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, la sécurité est totale sur toute l'étendue du pays au moment où le président du parti FNL affirme que le leader de la coalition Miseroya Barundi s'apprête à fuir le pays. L'assistant du ministre de l'Intérieur pense qu'il s'agirait plutôt des rumeurs et appelle le premier vice-président de l'Assemblée nationale à porter plainte au cas où il se sentirait lésé. Suivez Terence Nairaja au micro de Charles Makoto. Nous n'en savons rien, nous avons suivi nous aussi à la radio, comme vous l'avez entendu vous aussi, c'était dans les propos justement de Jacques Guimana, président du FNL, mais au niveau du ministère de l'Intérieur de la formation patriotique, nous n'avons aucune information sur qui dirait que l'honorable Rwasa Agathon serait en train de préparer la fuite vers l'étranger. Ça peut être une rumeur ou un mensonge, parce que comme vous le savez, nous sommes dans un pays de paix et de sécurité. Il y a la paix dans toutes les provinces du pays, dans toutes les communes, dans toutes les zones, et même toutes les collines et les quartiers. Pourquoi pas les cellules même, ce qu'on appelle les agachimia en Kirundi, il y a la paix partout. Je ne vois pas la raison pour laquelle qui pousserait l'honorable Rwasa d'offrir le pays. Nous prenons cela comme des rumeurs, à notre avis, sinon tous les hautes autorités sont protégées par des institutions de sécurité qui ont notre mission de le faire. Au ministère de l'Intérieur, vous êtes chargé de la gestion des partis politiques au quotidien. De tels propos des politiciens à l'égard d'autres politiciens, quel est votre commentaire? Vous savez, quand les élections approchent, il y a des propos qui se cognent des différents politiciens, comme vous le savez. Mais de toutes les façons, s'il y a beaucoup d'idées qui se coalisent, pour moi, pour les politiciens, je trouve que c'est normal. Sinon, à ce qui nous concerne, nous savons que si politicien ou pas prononce des injures contre un autre, il y a la justice qui est là pour trancher, si bien sûr il y a une plainte. Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Intérieur. Et le président de la commission électorale provinciale indépendante de Bujumbura invite tous ceux qui voudraient être agents de l'une des commissions électorales communales à présenter leur dossier de candidature. Wizimana Terence précise que les candidats doivent être de nationalité burundaise et l'autre critère est de ne pas être cadre d'un parti politique. Suivez-le. Nous venons de lancer officiellement le processus de mise en place de commission électorale communale indépendante. Dans tout ce que nous avons développé, il y a un point très important, ça concerne les critères pour les candidats qui vont composer les commissions électorales communales indépendantes. Parmi ces critères, il y a notamment le fait que le candidat doit être de nationalité burundaise. C'est-à-dire qu'il doit avoir une carte nationale d'identité, que la même carte, il va en produire une copie qu'il va présenter dans le dossier. Il doit avoir terminé les études des humanités générales complètes, c'est-à-dire qu'il a droit à l'accession à l'éducation universitaire. En plus de cela, ou général ou technique, il doit être natif, résident ou ressortissant de la commune d'affectation. Il ne doit pas être dans des organes dirigeants d'un parti politique. Il ne doit pas afficher de militantisme politique pendant l'exercice de ses fonctions. Il doit avoir l'expérience dans le domaine électoral. Il doit être disponible immédiatement. En plus de cela, il y a des qualités que les membres doivent avoir, notamment le fait qu'un membre de la CECI doit être d'abord patriotique. Il doit afficher un esprit de patriotisme. Il doit être responsable. Il doit être indépendant. Il doit être impartial. Il doit être intègre. Il doit être transparent. Il doit être efficient. Il doit être professionnel. Il doit avoir une conscience professionnelle. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit dans les titres, des mineurs sont utilisés dans le commerce ambulant au chef-lieu de la province de Gitega. Ces enfants affirment qu'ils ne sont pas rémunérés en argent, mais reçoivent de la nourriture de la part de leurs employeurs. L'organisation Sogepaye, Solidarité de la jeunesse pour la paix et l'enfance, de même que les parents, dénoncent cette exploitation des enfants qui constitue une violation de la loi. C'est un reportage de médiatrice Emile Osawi. Arrivé dans la ville de Gitega, on est accueilli par des enfants avec des thermos dotés, des sons de beignets et des gobelets et les autres en train de vendre des œufs et des arachides. Nous sommes entretenus avec des enfants. Jean-Marie, il a 10 ans et Alexis, il a 15 ans. Ces derniers nous parlent de leur travail. Je vends ces beignets lotés pour le compte de mon grand frère. Je travaille simplement pour la ration quotidienne. Auparavant, il avait accepté de me prendre en charge pour la scolarisation, mais il a dû m'engager dans son commerce. Il m'a promis que je regagnerais le banc de l'école en considération de ce qu'il aurait gagné. Je commercialise le thé et les beignets pour le compte de mon patron en contrepartie de 10 000 francs burundais le mois. Ses parents affirment que si un enfant est dans la rue, il est laissé à lui-même et demande aux âmes charitables de contribuer pour les faire retourner dans leur ménage d'origine. Les enfants de la rue ne bénéficient pas d'aucune éducation familiale. Leurs employés dans ce commerce sont préoccupés par leurs profits que les conseils à prodiguer à ces enfants. Ils deviennent de telle manière des enfants de la rue et ses employés les prennent à partir de la route. La pauvreté constitue la cause du travail des enfants. Sinon, la place de l'enfant est à l'école. L'inconvénient est que l'enfant devient attaché à l'argent et ce qui peut déboucher au banditisme. L'enfant doit à tout prix prendre le chemin de l'école. Le coordinateur régional de l'association Sogepaye dans la province de Gitega dit que cela est honteux parce que la place de l'enfant se trouve à la maison, non pas dans la rue. Naoki Jiga Ernest, conseiller socio-culturel dans la commune de Gitega, dit que les personnes qui emploient ces enfants enfreignent la loi. Il précise qu'ils vont commencer à punir de tels employeurs d'enfants. Suivez plutôt Ernest Naokirishiga, conseiller social de l'administrateur en commune de Gitega. Il affirme qu'au sein de l'administration, ils ont déjà fait la sensibilisation pour retirer tous les enfants des rues. Et il met en garde toutes les personnes qui utilisent les enfants dans le commerce ambulant. Et il dit qu'ils vont bientôt être punis. Nous avons déjà commencé la sensibilisation à l'endroit des chefs de quartier et aux chefs culinaires que dans des réunions qu'ils tiennent avec la population, de leur expliquer que la place des enfants est l'école. Ils doivent d'abord étudier. Nous faisons un appel à ces personnes qui exploitent ces enfants en violation du droit de l'enfant de le renoncer parce que ce travail de commerce ambulant n'est pas pour les mineurs où ils parcourent une longue distance dans le commerce ambulants dotés des beignets et des arachides. Ces personnes sont invitées à renoncer à cette exploitation des enfants parce que bientôt, ils seront punis conformément à la loi. Voilà, vous voudrez bien nous excuser pour quelques petits problèmes techniques. La machine s'est plantée, comme on le dit dans notre jargon. La suite de ce journal, le chargé de production à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage de la province Chibitoke fait savoir que la récolte peut être multipliée par 3 si les agriculteurs venaient à utiliser les rivières de cette province pour l'irrigation. Edmond Wobikundiye explique que cela est possible si des barrages étaient construits au niveau de ces rivières pour les drainer vers les champs en vue de lutter contre le changement climatique. Suivez Edmond Wobikundiye de la DPAE Chibitoke. Notre province est traversée par beaucoup de rivières, presque toutes les communes. Ces rivières se déversent dans le grand rivière Rusizi, lequel est impropre à l'agriculture. Ce qu'on est en train de faire, le Payosa est en train de réhabiliter les canaux primaires et secondaires via la prise de Nyamagana. Nous espérons qu'avec ça, d'ici 2018, on aura autour de 6 000-4 000 hectares à irriguer. Et ça pourrait porter un offre pour les producteurs. Pour la commune de Buganda, il y a une lueur d'espoir sur la rivière Kaburantwa où il y a une promesse comme quoi on aura peut-être à réhabiliter et puis irriguer les périmètres sur la rivière Kaburantwa. Nous pensons qu'avec le temps, l'occasion viendra pour réhabiliter, sinon réaménager ces canaux d'irrigation pour permettre aux producteurs de produire beaucoup plus, 3 fois par an, c'est-à-dire que les 3 saisons sont possibles quand il y a la présence de l'eau. Edmond Uwabikundiye, il est chargé de production à la DPAE Ichibitoke. Le prix du ciment Buseko diffère dans certains points de vente de la capitale Bujumbura. Et ceux qui désirent l'acheter se posent la question de savoir le prix réel de ce produit dont l'usine de production est implantée au chef-lieu de la province de Chibitoke. Les informations recueillies auprès de la direction de la Buseko indiquent que le prix officiel du sac de ciment Buseko est de 22 500 francs burundais. Le constat avec Evariste Nzikobanyanga qui a visité certains points de vente de ciment en commune urbaine de Mukaza. Au centre-ville de Bujumbura, dans le point de vente se trouvant près de l'ex-marché central, le sac du ciment Buseko de 50 kg est vendu en détail sur un prix de 27 000 francs burundais. Certains des vendeurs trouvés sur place ont indiqué que le prix vient de chuter de 3 000 francs en ce début de l'an 2018. C'est au moment où le sac de ciment Buseko était vendu à plus de 30 000 francs vers la fin de l'an dernier. Le quartier asiatique, nous sommes toujours en commune urbaine de Mukaza, regorge beaucoup de points de vente du ciment, celui de Buseko y compris. Il y a où le sac du ciment de 50 kg coûte 25 000 francs ou 24 500 francs burundais. Certains vendeurs du ciment sur détail disent que les prix de ciment varient selon qu'ils l'ont eu chez les fournisseurs. Ces derniers demandent qu'il y ait fixation d'un prix officiel pour éviter toute spéculation. D'autres informations recueillies au quartier asiatique indiquent que le ciment vendu sur place ne remplit pas les conditions. Au lieu de 50 kg, il y a ceux qui pèsent 40 ou 45 kg, ajoute-t-elle. Cela étant, le prix du ciment Buseko étant de 22 500 francs boule au sac, selon les informations recueillies auprès des responsables de cette usine qui ont promis de s'exprimer ce mercredi. À côté du ciment Buseko, ceux en provenance des pays voisins sont vendus dans la capitale Bujumbura. Celui importé de la Tanzanie est vendu à 30 000 francs, tandis que celui en provenance de la Zambie est vendu à 33 000 francs burundais. Cette hausse des prix du ciment importé ont également les acheteurs burundais. Les vendeurs, quant à eux, ne soulignent que ces hausses de prix du ciment importé sont dues à la dévaluation de la monnaie burundaise. Ils ont fait savoir que, par exemple, le ciment tanzanien est acheté sur place à 13 000 shillings tanzaniens avant d'être acheminé dans notre pays. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'effectif de Burundais qui sont rentrés jusqu'en décembre 2017 à partir de la Tanzanie dépasse ce qui était attendu. Terence Nahiraja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui l'affirme, indique cependant que ceux qui rentrent volontairement ne sont pas concernés par l'appui des HCR, mais par son ministère et celui de la solidarité. C'est au moment où ces derniers se lamentent qu'ils ne sont pas assistés. Suivez encore Terence Nahiraja. Après la tripartite du 29, 30 et 31 août 2017 à Dar es Salaam, je vais vous informer que l'objectif était de pouvoir rapatrier 12 000 Burundais jusqu'au 31 décembre. Et voilà que le score a été dépassé même au moment où je vous parle. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, plus de 13 000 Burundais ont été rapatriés et officiellement et assistés. Nous sommes très satisfaits donc des résultats de ce rapatriement. Il y a des fichiers burundais qui rentrent des différents camps de la Tanzanie, mais volontairement, ces derniers se plaignent comme quoi ils ne sont pas assistés comme les autres qui rentrent avec le HCR, qu'en dites-vous? Ils ne rentrent pas seulement de Tanzanie, même du Rwanda, même de la RDC. Et j'aimerais vous informer que plus de 300 Burundais sauvés du cas de Mahama de manière clandestine. Et quand ils arrivent, le gouvernement les accueille et les aide comme les autres. Eh bien, ici, j'aimerais vous informer effectivement qu'il existe justement les modalités pratiques qui accompagnent les réunions tripartites. En principe, il y a ce qu'on appelle les rapatriés spontanés. Ce sont ces rapatriés qui viennent spontanément par leur propre volonté, sans l'appui du HCR. À ce moment, quand ils arrivent, il n'y a pas l'assistance du HCR, mais le gouvernement les accueille et les assiste. Il y a ces rapatriements assistés, donc qui sont facilités. Ce sont ceux qui sont rapatriés officiellement, les plus de 13 000 dont je vous ai parlé. Pour l'année en cours, est-ce qu'il y a d'autres initiatives de rapatriement? Bien entendu, on s'est déjà entendu avec le HCR que plus de 60 000 Burundais seront rapatriés et facilités au cours de l'année 2018. Terence Nahiraja, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il est également assistant du ministre de l'Intérieur. Et pour terminer ce journal, plusieurs écoles de la mairie de Bujumbura ont repris les activités scolaires du deuxième trimestre de l'année 2017-2018. Certains directeurs indiquent que les élèves sont venus massivement à l'école, même si hier, c'était la fête du Nouvel An. Ils indiquent que les élèves qui se sont absentés ont manqué de moyens de déplacement. Et c'est surtout ceux qui sont internes et qui n'habitent pas la mairie de Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous souhaitons de passer une très bonne journée et meilleurs vœux aussi pour le début de cette année 2018.